Philippe Jordan à la tête de l'orchestre de l'Opéra National de Paris dans un extrait du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy pour vous accueillir. Malouen, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Radio Parfaite. Vous venez nous rencontrer à l'occasion de la parution des écrits sur la musique de Jean Cocteau que vous publiez dans la revue Musicologie éditée par Vrin. Un gros volume dans lequel on retrouve effectivement tous ces écrits de Jean Cocteau sur la musique qui a une façon de parler de la musique dont on pourrait dire qu'elle est originellement disciplinaire. Si on écoutait le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est en fait en clin d'œil à Nijinsky, et le premier texte qui ouvre ce volume est consacré à Nijinsky. On y lit par exemple « Je lui ai entendu reprocher de ne pas être suffisamment mâle. Nijinsky n'est pas efféminé. Nijinsky a l'air d'un dieu spécial venant on ne sait d'où et sans attache aucune avec le reste de la troupe. » Et il ajoute un peu plus loin « Il émane de sa personne un mystère indiscutable et ce mystère enveloppa immédiatement le public. » Il est directement dans un ordre de remarques qui déplace le débat et le met sur un plan poétique. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut dire que Cocteau est surtout connu comme un homme de roman, de poésie, de théâtre, mais on sait moins qu'il a fait des dessins, qu'il a travaillé pour la céramique, qu'il a dessiné des bijoux, etc. Et tout ce qui sous-tend son travail... C'est exactement ce que vous dites, c'est la poésie. La poésie, que ce soit dans ses textes, que ce soit dans ses films, puisqu'il a été cinéaste, réalisateur, scénariste, tout ce qu'il fait, c'est la poésie. Et à tort, on a dit que c'était un homme un peu superficiel, qui touchait à tout. Eh bien, certes, il touche à tout, mais de manière géniale, avec une poésie, avec un sens de la légèreté, mais une légèreté, comment vous dire, pas du tout pédantesque, une légèreté profonde. C'est-à-dire si je peux m'exprimer comme ça. Une légèreté qui s'autorise à penser, à réfléchir. Tout à fait. Et ça lui pose des problèmes à la lecture, puisqu'il se confond par exemple à un certain monsieur Marnold, qui est critique du Mercure et qui lui reproche de ne parler de la musique que par métaphore. Et il cite monsieur Marnold en disant « On ne peut aimer une musique sans savoir à fond le contrepoint et l'harmonie. » Sauf que Cocteau, quand il écoute de la musique, il écoute plus que le contrepoint et l'harmonie. Bien entendu, lui, il écoute les émotions que ça lui procure. En fait. Il n'est pas là en train de faire de l'analyse musicale. Et vous voyez que le débat, quand même, en ce début du XXe siècle, il n'a pas beaucoup changé, hein, parce qu'on connaît tous, enfin, je suppose que vous en connaissez aussi, des musicologues qui ne jurent que par l'analyse musicale et qui laissent tout à fait l'émotion de côté, qui utilisent la manière dont la musique évolue du premier degré au cinquième, et puis du cinquième au premier, etc., et qui passent d'un ton majeur dans un ton mineur, etc. C'est pas du tout la manière dont Cocteau parle de la musique, hein. Cocteau, il va vous dire ce qu'il éprouve en regardant quand ce sont des ballets ou quand c'est de la danse, ou en écoutant quand c'est de la musique. Et la musique, ça peut être la musique classique, ça peut être la musique de jazz, ça peut être le musical, ça peut être la chanson. Donc les écrits sur la musique, ici, ça couvre un très très large spectre. Comment vous avez fait ? Vous en avez recueilli 310, à travers notamment les journaux où il avait pu écrire de la musique, et on voit, parce qu'il reprend ses textes, que la parution journalistique que peuvent lui offrir les colonnes des journaux ne lui suffit pas, ou ne suffit pas justement à cette sensibilité poétique qu'il met dans ses textes, et dont il pense par définition qu'elle devrait avoir un horizon éditorial plus avancé. Oui, il y a quand même au moins deux questions dans ce que vous dites. Alors prenez-les une par une. La première, vous me dites, comment avez-vous fait ? Eh bien écoutez, là c'est une des grandes difficultés de ce livre, parce qu'en fait, les écrits sur la musique de Jean Cocteau, figurez-vous que Jean Cocteau ne les a jamais rassemblés lui-même. Autant il a rassemblé de son vivant ses textes, ses poèmes, ses pièces de théâtre et autres écrits, mais sur la musique, il ne l'a jamais fait. Donc, la première difficulté, c'était de retrouver ces textes. Alors, vous avez dit à juste titre qu'il y en a 310 dans ce volume. C'est la toute première fois que ces textes sont rassemblés. J'ai travaillé, d'ailleurs, vous m'avez cité, c'est très gentil, mais vous avez oublié mon collègue David Gulentops, qui est un philologue. Et à nous deux, nous avons tenté de rassembler tous les textes de Cocteau, qu'ils aient été publiés ou qu'ils soient restés en manuscrit. Alors, ça nous a pris énormément de temps, parce que je ne sais pas si vous avez lu la préface, mais elle est signée avec des dates 2005-2015. En fait, nous avons mis 10 ans de travail. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas fait que cela. Ni l'un ni l'autre. De son côté, David a publié d'autres volumes et d'autres textes, et moi aussi. Mais c'est quand même une très, très grande difficulté, c'est de retrouver ces textes. Si, à certaines époques de sa vie, Cocteau a travaillé pour des journaux bien définis, comme Paris Midi, là, c'est facile de retrouver les textes. Dans d'autres cas, il a de temps en temps donné un texte par-ci, par-là, dans des revues littéraires ou dans des revues musicales. Donc la grande difficulté, ça a été de retrouver ces textes. Et je vous avoue qu'on n'est peut-être pas tout à fait à l'abri d'en avoir oublié l'un ou l'autre. Naturellement, nous nous sommes arrêtés à 1963, date de sa mort. Bien sûr, les quelques textes qui ont été publiés après sa mort dans les mois qui ont suivi sont dans notre ouvrage, mais tous les textes qui ont été repris par la suite sont probablement des variantes de ce que nous avons fait, de ce que nous avons rassemblé, et Cocteau lui-même faisait des variantes de ces textes. Donc régulièrement, il reprenait des textes, il changeait des adjectifs, il changeait des paragraphes, il en supprimait, il en rajoutait. Donc on a essayé de restituer toutes ces variantes. Donc il y a plusieurs lectures possibles dans ce livre, mais je crois que je m'éloigne un peu. C'était votre première question. Et la deuxième question, ben, je l'ai oubliée. La deuxième question, je vous la poserai après avoir D'accord. écrit, je vous la reposerai après avoir okay. écouté un peu Stravinsky. Sure. Extrait du quatrième tableau des Noces de Stravinsky avec Josef Veselka à la tête du chœur philharmonique tchèque. Il aborde dans un texte, Jean Cocteau, qui s'intitule « L'esprit comique dans l'art moderne », le rapport quand même dynamique du goût du public à l'œuvre de Stravinsky. Il écrit « La critique et le public parisien habitués à l'oiseau de feu ont très mal accueilli Petrouchka lors de sa création. Puis, quand ils se sont accoutumés à Petrouchka, ils ont sifflé le sacre du printemps. Aujourd'hui, habitué au sacre, il boude Mavra. Stravinsky a en effet un esprit bien campé, tout comme une chevelure bien implantée, avec juste la bonne quantité de cheveux de chaque côté de l'arrêt. » Ce dire poétique que l'on commentait tout à l'heure, Malou N de Jean Cocteau quand il parle de musique, lui donne effectivement un regard particulièrement cinglant sur le rapport entre le compositeur, le public, comment la réception travaille aussi les artistes de cette époque. Oui, vous avez mis le doigt là sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que Cocteau se rend compte en écoutant les réactions du public que tout ce qui est nouveau les heurte en général. Et ce n'est qu'à partir du moment où ils ont été habitués à écouter la musique qu'ils l'acceptent, mais ce qui est nouveau, à nouveau, eh bien, ils ne le comprennent pas. Donc quand il dit que, moi je vais le dire avec des mots beaucoup moins poétiques, vous m'excuserez, que lors de la première audition du sacre, bon, on criait en effet au scandale, et puis on s'est habitué à réécouter ce sacre, quand Mavra est arrivé, là c'était beaucoup trop moderne. Il ajoute « Une composition de Stravinsky n'offre jamais aux critiques ce qu'ils en attendent. Qu'en attendent-ils ? » Et il répond « Une œuvre qui ressemble à la précédente ou alors quelque chose de si vague, de si médiocre qu'un homme de génie serait incapable de la produire. » Ça veut dire qu'il y a une erreur de raisonnement de la part des critiques, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Une erreur de jugement. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je dirais plutôt que les critiques sont quand même en partie comme le public. C'est-à-dire qu'ils ne jugent que ce qu'ils connaissent. Et il y a une infime partie des critiques qui sont ouverts à nos nouveautés. Je pense que nous avons les critiques que nous méritons. Je vais reprendre la question qu'on a laissée un petit peu en plan tout à l'heure, justement parce que quand lui publie en tant que critique dans des journaux, je disais que ce sont des textes qu'il peut reprendre ultérieurement pour essayer de leur donner un nouveau destin éditorial. Ça veut dire qu'il trouve une force poétique qui lui donne envie de leur donner une seconde chance. Je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Cocteau reprend ces textes. On peut dire... Une qui est évidente, c'est que parfois il est sollicité, pas au début de sa carrière, mais disons à partir des années, la fin des années 30, début des années 40, on commence à le solliciter. Donc parfois il est pris par le temps. Donc il reprend un texte et il va simplement changer quelques adjectifs parce que tout simplement son point de vue a changé. À d'autres moments, c'est une véritable volonté de modifier les choses. Par exemple, le Coq et l'Arlequin. Le Coq et l'Arlequin, en fait, il y a quasiment personne qui sait que le Coq et l'Arlequin a connu 4 versions différentes. Ça, c'est vraiment le grand travail génétique que vous avez mené dans ce livre avec David Goulentops. Oui, ça, c'est David Goulentops qui s'est occupé des variantes des textes. Moi, je me suis plutôt occupé de l'identification des personnages, l'identification des œuvres. Mais bon, ça ne veut pas dire que David n'a pas pris sa part. Hein. Mais lui a vraiment travaillé sur les textes et sur leurs variantes. Et donc, on a découvert ces 4 versions différentes et on essaye de les restituer. Ce qui veut dire que cet ouvrage peut être lu de différentes manières. Il peut être lu simplement en regardant les textes. Un philologue ou un musicologue averti voudra connaître les versions, les variantes. Donc là, il aura les variantes en bas des textes, et le grand public va peut-être simplement le feuilleter parce que nous avons aussi rassemblé dans ce volume 140 dessins de la main de Cocteau qui traitent de la musique. Donc nous avons essayé d'illustrer également les textes, et c'est une autre manière pour Cocteau, en effet, avec toujours cette touche poétique, de croquer les personnages dont il parle. Et il croque, par exemple, Debussy orchestrant une gymnopédie de Satie. La Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. la première gymnopédie d'Éric Satie, orchestrée par Claude Debussy et Jean Cocteau, page 108 du recueil que vous avez, Malouen, composé avec David Goulentops, de l'ensemble des écrits sur la musique de Cocteau. Page 108, on peut lire « Écoutez les gymnopédies d'une ligne et d'une mélancolie si nette, Debussy les orchestres, les brouille, enveloppe d'un nuage l'architecture exquise, de plus en plus Debussy s'écarte du point de départ posé par Satie et entraîne tout le monde à sa suite. » Il avait autant des relations d'admiration, à ce moment-là du moins, avec Satie, qu'il avait des relations compliquées avec Debussy. Mais écoutez, c'est l'époque du Coq et l'Arlequin. Donc ça veut dire que Cocteau, il veut promouvoir une musique française de chez nous. Et tout ce qui est avant, c'est-à-dire Debussy et Wagner, c'est à rejeter. Donc il est quelque part un peu obligé de critiquer Debussy. Et il le critique malheureusement assez vertement. Et au fur et à mesure des écrits, si on ne s'attache qu'à ce qu'il dit sur Debussy, on va voir que jusque dans les années 30, il va en effet dire Debussy, c'est du brouillard, c'est du vague, il faut l'écarter. Et puis à partir des années 40, il va commencer à dire, mais tout compte fait, Debussy, c'était quand même pas si mal. Et il va essayer de se justifier et de dire, mais c'était la jeunesse, et la jeunesse, quand elle veut imposer ses idées, elle doit faire table rase de tout ce qui lui précède, de tout ce qui les précède. Donc c'est une espèce de mea culpa. Oui, à partir des années 40, il va faire un mea culpa en disant qu'il avait été entraîné par la jeunesse. C'était une erreur de jeunesse, va-t-il, il va se justifier. Mais en fait, ça va aller beaucoup plus loin, parce que non seulement il va dire ben « écoutez, j'ai été un peu trop loin », mais tout compte fait, j'aime beaucoup Debussy. Et en 1962, à la reprise de Péléas, qu'est-ce que Cocteau va faire? Il va s'impliquer personnellement en dessinant les décors et les costumes, en écrivant une préface pour le programme, où là, il va être louangeur vis-à-vis de Debussy. Donc on peut suivre, si vous voulez, au cours de tous ces écrits qui commencent en 1910 et qui se terminent en 1963, on peut suivre pour certains personnages l'évolution de sa propre pensée vis-à-vis d'eux. Malouen, vous nous disiez qu'il y avait quatre versions du Coq et l'Arlequin, ce texte qui est un manifeste pro-Satie, mais justement qui n'est pas un manifeste pro-Satie dans toutes ses versions ou... Non, vous avez tout à fait raison. La première version, celle qui a été publiée en 1918, est pro-Satie. La deuxième version, qui est quasiment la même et qui est publiée 10 mois plus tard, avec un aphorisme en moins, parce que Gide s'était plaint que cet aphorisme venait de lui. Donc ça, c'est la deuxième version. Alors, la troisième version, ce sont des épreuves d'imprimerie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que les épreuves d'imprimerie nous montrent les aphorismes qui ont été modifiés. Et puis, la quatrième version, c'est quand le Coq et l'Arlequin est repris dans le rappel à l'ordre, 1926. Eh bien, à ce moment-là, il y a des adjectifs louangeurs pour Satie qui étaient présents dans la première version qui ont été effacés. Tout simplement parce que, entre-temps, Cocteau s'est un peu disputé avec Satie. C'est comme ça qu'on apprend, grâce à cette version génétique, qu'il y a un aphorisme présent dans les épreuves qui n'a même pas été retenu pour la première version de 1918. La plus petite œuvre de Satie est petite comme un trou de serrure. Tout change si on approche son œil. Mais écoutez, là, c'est extraordinaire, cette manière de dire. Vous reconnaîtrez que c'est extrêmement poétique et tout est dit. On a l'impression au départ qu'il part vers une appréciation qui est négative. Et puis on s'aperçoit, non, mais c'est l'éblouissement si on s'en approche. Vous avez vraiment bien choisi votre aphorisme, là. Thank you. Alexandre Tarot et Éric Lesage au piano, dans quelques pages des trois morceaux en forme de poire d'Éric Satie. On moque parfois effectivement la légèreté de ces titres, ou on accuse de leur caractère insolite pour ne pas les laisser aller au-delà, alors que Cocteau, dans Le Coq et l'Arlequin toujours, nous indique que certains titres de Debussy sont quand même pas piqués des vers à leur manière. Ils relèvent Terrasse des audiences du clair de lune, ou bien Les quatre hydrales englouties, Malouen. Mais oui, tout à fait, ces titres là n'ont pas plus de sens que les morceaux en forme de poire. D'ailleurs, Satie a réagi à justement une phrase de Debussy qui lui disait que ses pièces manquaient de forme, donc il en a fait en forme de poire. Et Debussy, qui lui-même avait sans doute du mal à encaisser le fait qu'un an plus tôt, quand il créait Péléas et Mélisande, Vincent Dadi lui disait que ça n'avait pas de forme. Alors, le rapport entre Cocteau et Satie, à ce moment-là, il est quand même très marqué par la collaboration autour de Parade. Oui, oui, Parade, c'est une des premières collaborations, c'est une des premières implications de Cocteau comme impresario. Parce qu'au moment où il défend les six, donc les jeunes, les nouveaux jeunes qui gravitent autour de Satie, eh bien, il va à un moment donné vouloir faire une œuvre qui rassemble Satie, ça ce sera Parade, et puis il va faire d'autres œuvres, comme Les Mariés de la Tour Eiffel, qui rassemblent les six. Alors on va écouter un extrait de Parade pour commencer, puis on viendra aux Mariés de la Tour Eiffel ensuite. L'orchestre des concerts amoureux, dirigé par Yutaka Asado, dans un extrait de Parade d'Éric Satie. Malouen, dans ses écrits sur la musique de Jean Cocteau, que vous faites paraître dans la collection Musicologie aux éditions Vrin, il y a un petit texte qui décrit cette collaboration. Oui, tout à fait. C'est un texte qui est très métaphorique et qui montre, en fait, Cocteau se décrit lui-même comme un prestidigitateur qui a pu réunir à la fois Diaghilev, Satie, Picasso et lui-même. Et je vous laisse peut-être lire le texte, il est très court, il est d'une poésie extraordinaire et en même temps, il montre comment il a pu réunir ces personnages. Prenez une ficelle, nouez-la en faisant deux tours dans le sens de la largeur. Passez la boucle ainsi obtenue autour du doigt de Diaghilev, passer mon doigt dans l'intervalle et tourner en respectant le sens du premier tour. Accrochez cette seconde boucle au doigt de Picasso, prenez une paire de ciseaux, demandez à Eric Satie de tenir solidement la troisième boucle entre le pouce et l'index, coupez le côté gauche de la ficelle, attachez le bout coupé à l'autre après l'avoir passé dans la première boucle, donnez un coup sec, tous les doigts se retrouvent libres et il me reste à la main deux anneaux en ficelle entrés l'un dans l'autre. C'est fabuleux, hein ? Et en même temps, il avoue qu'il y a un trucage. Non, il avoue en fait que chacun est resté libre. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire avec Parade, c'est que c'est une composition dont l'argument repose sur un argument de Cocteau. C'est quand même un paradoxe. Il n'y a pas de parole. Ce n'est que l'argument. Alors qu'il normalement, il y aurait dû avoir des paroles. Mais chacun, aussi bien Diaghilev, qui était le directeur, que Satie et que Picasso, n'en voulaient pas. Donc, ils ont réussi à garder l'argument, mais à faire chacun comme il l'entendait. Et Cocteau, quelque part, ben, s'est retrouvé un petit peu, je vais dire, muselé. Mais néanmoins, Cocteau arrive toujours à dire que c'est lui qui dirige. C'est ça, il aime se donner le beau rôle quand même. Ah mais bien sûr, c'est toujours lui qui a le beau rôle. Mais quelque part, je vous avoue qu'il a quand même le génie de s'entourer de gens qui arrivent à lui donner ce qu'il veut, même si ce n'est pas la forme à laquelle il s'attendait au départ. Donc il pousse les gens à leur retirer le meilleur, un peu comme les scénaristes et les réalisateurs de nos jours qui parfois font sortir de leurs acteurs des choses que les acteurs eux-mêmes ne pensaient pas être capables de faire. Est-ce que Les Mariés de la Tour Eiffel, le ballet des Six, aurait été le même sans Cocteau ? Certainement pas, il n'y en aurait pas eu, puisque là aussi c'est un argument et c'est un texte là, c'est un texte de Cocteau. Mais là il y a carrément plusieurs compositeurs dans la même œuvre. Oui, mais parce que l'œuvre est décomposée en petites scénettes, et donc il donne des scénettes à chacun d'eux. La Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo. Geoffrey Simon à la tête du Philharmonia Orchestra dans quelques pages de ces Mariés de la Tour Eiffel, des pages qui sont composées par Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, Arthur Honegger, c'est-à-dire les 6 moins 1, il manque du Ray. Et vous mettez en couverture du livre écrit sur la musique de Jean Cocteau que vous faites Malouen paraître dans la collection Musicologie des éditions Vrin, une illustration où on a sur le banc les 6 moins 1 et qui est remplacé par un photographe qui semble être Jean Cocteau. Oui, mais ce n'est pas les 6 moins 1, puisqu'en fait, c'est Cocteau lui-même qui dessine les 6 et le titre, je crois, de l'illustration, c'est les 6. Autant des 6. Autant des 6, mais ce qui est assez invraisemblable, c'est qu'ils sont 6 à être présentés, mais ce n'est pas les 6, ce n'est pas le groupe des 6, puisque Duret n'y est pas, mais Cocteau s'est mis avec eux. Donc, ils sont quand même 6. À propos de ces Mariés de la Tour Eiffel, il fait un texte où il questionne le genre. Alors il écrit « Ballet, non. Pièce, non. Revue, non. Tragédie, non. Plutôt une sorte de mariage secret entre la tragédie antique et la revue de fin d'année, le chœur et le numéro de music hall. » Et derrière cette hésitation à savoir de quel genre c'est, il dit un peu plus haut dans le texte « Ce spectacle n'est-il pas au sens propre du terme innommable, comme ne manqueront pas de le trouver, usant du terme dans un autre sens, les amateurs de poésie nébuleuse, et il ajoute « La poésie est plus vraie que le vrai, il ne s'agit pas d'envelopper les objets et les sentiments d'un voile, mais au contraire de les montrer si nus, si vite, que l'homme a peine à les reconnaître. » Oui, vous avez là, encore une fois, choisi un très très bel extrait qui montre en fait la problématique des spectacles de Cocteau. Quand Cocteau est impresario dans les années 20 et qu'il monte différents spectacles avec les 6 ou avec certains d'entre eux, que fait-il ? Il renouvelle le genre, justement. C'est un mélange à la fois de chanter, de parler, de danser. Et en effet, lui-même hésite. Qu'est-ce que c'est, finalement, les mariés ? Et il se pose la question. Et il devance déjà les fameux critiques qui trouveront cette œuvre tout à fait extravagante, puisqu'elle ne répond pas aux critères de l'époque. Mais au lieu d'essayer de répondre aux critères et d'essayer de rendre le genre plus facile à identifier, on peut dire qu'il va encore plus loin dans l'indétermination. Tout à fait, et ça je pense que ça l'amuse. Je pense que ça l'amuse, mais je pense aussi qu'il a conscience quelque part qu'il faut faire éclater les genres. Parce que les genres au début du XXe siècle, quelque part, le ballet, bah écoutez, le ballet, c'est le ballet en tutu, encore traditionnel, sur les pointes et rien que sur les pointes. Et en fait, tout ça est devenu quand même assez lourd et manquant un petit peu de modernisme. Donc il va faire éclater ce genre de choses. Un extrait du Bœuf sur le toit de Darius Milhaud avec Léonard Bernstein à la tête de l'Orchestre National de France. On était Malouen à commenter après les mariés de la Tour Eiffel, effectivement, le rapport de Cocteau aux différents genres qu'il peut composer, puisqu'il... On peut presque dire qu'il fait du montage. Par exemple, dans le Bœuf sur le toit, il fait venir les frères Fratellini, c'est aussi du cirque. Oui, là aussi, c'est très très neuf pour l'époque. C'est pas seulement du théâtre. Là encore, il pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait comme genre musical avec cette œuvre-là, puisqu'il en est encore une fois le chef d'orchestre, hein. Il dit « Le théâtre, c'est le carton, le trompe-l'œil, une sorte de mauvais goût délicieux. Le théâtre, c'est un orchestre qui prélude, la flûte qui s'essaye, les violons qui donnent le la. J'approuve aussi les caramels mous, pastilles de menthe, bonbons acidulés, etc. » Et d'ailleurs, « Caramel mou » va être un titre qu'il reprend dans un montage, on va redire montage avec Darius Milhaud. Ça veut dire que quand il fait de la critique, quand il fait des textes, il fait déjà de la poésie, il est déjà en train de préparer ce qu'il va faire avec les compositeurs. Oui et non, parce qu'ici vous prenez un autre cas. Ici ce n'est pas un spectacle Caramel mou, c'est en fait les compositeurs qui prennent ces textes. C'est un poème au départ, Caramel mou. C'est un poème qui est réinvesti par le compositeur, voilà, sans qu'il l'ait écrit pour lui. Voilà. D'accord. Oui. Donc il y a, si vous voulez, Cocteau et les musiciens, il y a différentes sortes de collaborations. Il fait certains spectacles avec ses musiciens et les musiciens reprennent ses poésies et les mettent en musique. N'empêche que ces poésies peuvent prendre des titres qui viennent d'un texte à un moment donné qu'il écrit à propos de musique. C'est-à-dire qu'il écrit dans un texte critique devient un matériau pour sa poésie. Donc il y a un passage de l'un à l'autre, c'est ça que je voulais pointer. Oui, mais je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça. Mmh. Je pense qu'au départ, il écrit ce poème, et puis ce poème étant pris en musique par les compositeurs, il les remet dans un spectacle, puisqu'il y a un spectacle de 1921 où là, en effet, Cocarde est mis à l'affiche, mais c'est Cocarde, c'est un texte de Cocteau mis en musique. Vous écoutez la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Oh! affiche plus de rancuneur. Piano mécanique, il cantait. Le ténor Mario Nuvoli avec Antonio Plotino à la tête de New Music Studium dans Enfants de troupe, la troisième des cocardes de Francis Poulenc. Malouen, c'est un exemple d'un texte de Cocteau qui préexiste à sa mise en musique et qui est approprié par l'un des compositeurs du groupe des Six. Oui, les Six ont mis beaucoup de poèmes de Cocteau en musique. Et tantôt, on parlait, je pense, de Caramel Mou. Là, c'est un autre exemple où c'est Millau qui reprend le texte de Cocteau et qui prend l'initiative de le mettre en musique. Alors que quelques années plus tard, avec Marianne Oswald, là, c'est Cocteau qui prend l'initiative de la musique. Tout à fait, de la musique et du texte. Donc, quelque part, mais là, nous sommes maintenant, jusqu'à présent, nous avons parlé surtout du groupe des Six, nous avons parlé des ballets russes. Nous n'avons pas été au-delà des années 20. Voilà. Et maintenant, à partir des années 30, eh bien, Cocteau va plutôt se tourner vers un nouveau genre, encore une fois. Il va s'intéresser beaucoup à la chanson française. Les premiers chanteurs sur lesquels il va écrire, c'est Charles Trenet. Et pour Marianne Oswald, il va lui composer un texte, il va lui écrire un texte, et en plus, il va composer la musique. Alors, il se dit compositeur de cette musique. Il faut savoir que Cocteau connaissait la musique en amateur. Il n'y a pas de preuve qu'il ait composé lui-même toute la musique, mais on pense que c'est plutôt le pianiste de Marianne Oswald qui l'a aidé au moins orchestrer ou écrire sur le papier la chansonnette qu'il pouvait avoir. Et c'est comme ça qu'on a Anna la Bonne. Anna la Bonne, chanson parlée de Jean Cocteau. Ah, mademoiselle, mademoiselle Annabelle, mademoiselle Annabelle, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle Annabelle, sans doute vous étiez trop bonne, trop belle et même trop jolie. On vous portait des fleurs comme sur un autel. Et moi, j'étais Anna la bonne de l'autel. Vous étiez toujours si polie. Et peut-être un peu trop polie. Vous habitiez toujours le grand appartement. Et la chose arriva, je ne sais plus comment. Si, bref, j'étais celle qu'on sonne. Vous m'avez sonné une nuit comme beaucoup d'autres personnes. Et ce n'est pas assez d'ennui pour qu'on assassine. Nous autres, on travaille, on dort. Les escaliers, les corridors, mais vous, c'était les médecines pour dormir. Ma petite Anna, voulez-vous me verser 10 gouttes? 10, pas plus. Je les verse toutes. Je commets un assassinat. Que voulez-vous? J'étais la bonne. Vous étiez si belle, si bonne. Vous receviez un tas de gens. Vous dépensiez un tas d'argent. Et les sourcils qu'on vous épile, les ongles et le sexe pile. Mademoiselle Annabelle, depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir la porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle Annabelle, vous croyez que l'on me soupçonne? La police, les médecins, je suis Anna. Celle qu'on sonne, on cherche ailleurs les assassins. Mais vos princes, vos ducs, vos comtes, qui vous adoraient à genoux, plus rien de ces gens-là ne compte. Le seul secret est entre nous. Vous pensez que je m'habitue? Jamais. Elle viendra demain. Vraiment, ce n'est pas soi qui tue. Le coupable, c'est notre main. 10 gouttes, Anna, mes 10 gouttes. Et je verse tout le flacon. Cette histoire me dégoûte. Un jour, je finirai par sauter d'un balcon. Et cet enterrement, avez-vous une idée de ce qu'il coûte, au prix où revient l'orchidée? Elle devait partir sur son yacht. Java. La Java. On y va. une chanson parlée de Jean Cocteau. Là, la musique y compris est de Jean Cocteau. C'était Anna la Bonne par Marianne Oswald. Et dans les écrits sur la musique de Jean Cocteau que Malouen vous publiez avec David Goulentops aux éditions Vrin, on lit, certes, à propos de Marianne Oswald, certes, sa voix n'est pas celle dont rêve une cantatrice. Peu importe, elle possède cette présence qui déroute le goût, impossible d'expliquer pourquoi elle s'impose. Le public s'étonne, il avale sa goutte de poison. Oui, parce qu'en fait, vous avez entendu cette voix qui est rugueuse, qui est, en plus, elle vient de Lorraine, elle a un accent un peu allemand. Donc, c'est tout à fait, disons, extravagant pour l'époque. Et c'est ce que aime Cocteau, en fait. C'est des personnages qui sortent de l'ordinaire. Et alors, il a besoin d'être affranchi du groupe des six pour composer lui-même de la musique ? Ah non, parce que, écoutez, ici, ces deux petites chansonnettes, il y a aussi mes sœurs n'aimaient pas les marins qu'il a composées. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les six, ils vont voguer, ils vont suivre leur propre chemin. Et Cocteau va s'intéresser à autre chose, puisque Cocteau est quand même quelqu'un qui est sollicité, qui est quelque part, qui est ébloui par la nouveauté. Et donc, en fait, c'est les collaborations qui vont l'amener à faire différentes expériences, même si, à chaque fois, il y a cette question du genre qui résiste. Pour le coup, là, ça s'appelle chanson parlée. Il parle aussi du genre de Marianne Oswald en disant « Son genre, le genre réaliste, sa voix d'Andrinople, on les connaît, il desservirait plutôt son prestige. Sa réussite est plus singulière, sans le moindre apport extérieur. » Il aime tout ce qui sort du genre. Tout à fait. Tout ce qui sort de la norme. Disons plutôt ça, tout ce qui sort de la norme, il va l'aimer. D'ailleurs, lui-même, dans sa vie personnelle, il sort de la norme. Et il aime d'une façon très engagée, au sens où il va composer avec. Oui, mais ici, il faut quand même pas mettre trop l'accent sur la composition. C'est-à-dire, il a composé deux chansons pour Marianne Oswald, mais c'est tout à fait marginal dans sa multitude d'activités. C'est tout à fait marginal. Mais je pense que s'il avait pu avoir une formation plus poussée, eh bien, je pense qu'il aurait pu aller plus loin aussi. Quelle relation il avait avec Charles Trenet? Charles Trenet, il l'a soutenu dès ses débuts. Et il, aussi bien pour Marianne Oswald que pour Charles Trenet, que plus tard pour Édith Piaf, il va aussi les dessiner, faire des croquis, faire des dessins qui vont être utilisés sur les programmes de concert. Parce qu'on trouve un petit poème, c'est le texte 132 des 310 textes de Cocteau que vous réunissez, une espèce de petit quatrain, tout bégayé, tout traîné, plus rien ne traîne et tout parle, c'est grâce aux chansons de Charles Trenet. Oui, là vous choisissez aussi un très beau texte, très court, c'est-à-dire ce qui est assez extraordinaire dans ce volume, c'est que nous avons parfois des textes assez longs, le plus long bien sûr c'est le Coq et l'Arlequin, en général les textes font une ou deux pages, mais on a aussi des textes qui ne font que deux, trois lignes, parce qu'en fait ce que nous avons rassemblé c'est pas seulement des textes publiés dans des revues, mais également des textes qui se trouvaient par exemple sur une pochette de disque ou des textes qui servent de préface à certains ouvrages. Donc tout ce qui forme une entité, c'est ce que nous avons rassemblé. Par contre, nous n'avons pas été rechercher les paragraphes dans la correspondance de Cocteau. Là où il parle de musique, ça nous ne l'avons pas pris. Il faut que le texte forme une entité en soi. Vous écoutez la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel,

alors dites-moi que vous m'aimez. Léo Marjane avec Baymir Bizdouchen prononce-t-elle en 1938, œuvre que Jean Cocteau commente. Et puis il y a toute une actualité musicale à laquelle Jean Cocteau s'associe, qu'il commente et qu'il suit avec une certaine fièvre dans les années 20-30, c'est le jazz. Il parle de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Malouen. Oui, ça c'est en 37. Est-ce que vraiment Django Reinhardt c'est du jazz? Peut-être. Il dit le band Django Reinhardt Grappelli. Donc il emploie des mots qui viennent plutôt effectivement du jazz. Il dit: nous avons tous dans notre enfance espéré vaguement être des enfants volés, de prendre l'école buissonnière sauvage de la roulotte et de vivre avec les Romanichels qui se retrouvent au Sainte-Marie de la Mer à l'époque du pèlerinage. Oui. Oui, oui, donc ça vous montre aussi l'ouverture de Cocteau. Hein. Il va de Django Reinhardt au flamenco en passant par les chanteurs populaires. Et puis, il parle vraiment du jazz avec Louis Armstrong, avec Harry Pilser. Là, ce que je viens de lire, c'est extrait d'un programme. Un programme que vous publiez parce qu'il l'illustre aussi. Et il y a tout un volet visuel dans ses écrits, c'est-à-dire que vous publiez tous les dessins qui accompagnent ses écrits sur la musique. Oui, là, nous n'avons pas visé à l'exhaustivité, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Disons que dans certains cas, Cocteau agrémente ses textes d'illustrations, et dans d'autres cas, c'est nous qui avons rassemblé des dessins qu'il avait pu faire et que nous avons accolé à certains textes. Mais je crois que les textes et les dessins se répondent. Encore une fois, c'est la poésie qui réunit ces deux supports qu'utilise Cocteau pour parler de la musique. Et dans tous ces documents graphiques, on trouve aussi un photomontage de Darius Milhaud avec Jean Cocteau et le Billy Arnold's Jazz Band, puisqu'on y vient quand même, le jazz de Billy Arnold, dont, qu'il évoque en fait comme le premier jazz concertant qu'il entend à la salle des agriculteurs à l'intérieur d'un hommage qu'il écrit à Louis Armstrong en 1955. Oui, il faut dire qu'à partir des années 50, c'est souvent des souvenirs. C'est souvent les souvenirs qu'il va évoquer. Et d'ailleurs, il sera sollicité pour parler de Diaghilev, pour parler du groupe des Six. D'ailleurs, tous les 10 ans, il y a les fêtes anniversaires du groupe des Six. Hein. Donc, vraiment, à partir de 50, il va revenir assez souvent sur des choses qu'il a vécues précédemment, tout en mettant en évidence des nouveaux chanteurs, des nouveaux danseurs. Donc là, il y a différents textes qui apparaissent chez Cocteau. Eh bien, merci beaucoup, Malouane, d'être venue à la Radio Parfaite présenter ses écrits sur la musique. Merci de m'avoir invité. De Jean Cocteau. À bientôt. À bientôt, au revoir. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope you smile. La radio parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Et maintenant, un poème. Monsieur Solo, partie 1, chapitre 3 et 4 d'Olivier Cadio. Chapitre 3. Alors, Solo, en forme 1, les branches ou les branches se brandirent, pas avoir non. Commençons, Solo, je vous en prie. Allez, non, ceux-ci sont des branches dans le noir, très bien, nous y voilà. Si maintenant je vous dis tache, si je vous dis tache, la tache noire centrale, une tache dans les arbres ou de nuit, insistez, Solo, insistez. Dans les arbres, on voit la tache, bien. Racontez donc l'histoire comme elle est, Solo. L'heure, le temps approchait, bois vert et sombre, on s'approche de sa mort, de sa fin. Cible, j'ai atteint le but, devinez, arrivé, souffle de vent, de vapeur, de fumée qui arrive brusquement. De fumée, de vapeur, de vent, choc de l'ennemi animé du corps et de la voix, le fleuret sur le corps de son adversaire, après le corps de son a, après l'avoir touché, 1, 2, touché. C'est bien. Oriflamme, il était rouge et doré, oui. Drapeau, oui. Et ordre pour se disposer au combat, ordre, oui. L'après-midi, lorsqu'il n'y avait rien à faire, que la chaleur était trop forte, que le système d'irrigation était arrêté, voire météorologie, lorsqu'il pleuvait ou que le bateau, voire moyen d'en sortir, était à sec dans la lagune, que les chevaux dormaient dans le corral, voire impression du sud, les premiers souvenirs de Solo, je m'étendais sur une sorte de paillasse et fermais les fenêtres à l'aide d'étoiles rouges, voire retrouvées au bord de la plage, et m'efforçais de chasser certaines phrases qui continuellement venaient s'imposer à mon esprit, et c'est ainsi que je décidais de discipliner Solo et de lui donner les éléments nécessaires à la compréhension de certains facteurs, voire Solo et René ne font qu'un, mes révélations, par des exercices répétés quotidiennement qui alternaient l'expression écrite et orale d'une part et le chant d'autre part. Racontez ça comme vous savez, Solo, ce cheval plan de l'espace taillis, non. Écoutez, voilà comment on peut faire. La phrase suivante, simplement, encore et des années d'un arbre et du temps écoulé, et quel est l'âge, cet arbre mince, lisse, noir, luisante, l'écorce et dont la couleur est vert, pré, bois, jaune, ancien, les arbres verts, compris ? Vous sentez le passage des mots aux autres, l'impression d'ensemble qui se dégage, les masses qui s'articulent pour produire l'effet général, la sincérité de l'expression, le projet intime, le ton personnel, votre voix exclusive, unique, incomparable, je vous écoute. Je propose ce cheval. Très bien, nous vous écoutons, mon cher Solo, espoir de nous tous, solution miracle, espoir, oh, vous représentez nos plus chers espoirs. Chanson numéro 2, le cheval. Quand il s'arrête, oh, ce cheval, mouvement de la main, ou ralentir son mouvement, demi-arrêt, temps, ah. Demi-arrêt, temps, ah, arrête, oh, arrête le cheval, temps. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-arrêt, temps, arrête, oh, temps, ah, ralentir, oh, de la main, ralentir, oh, bien. Et que pouvez-vous rajouter? Rien, bonne nuit. Chapitre 4. Depuis longtemps déjà, je me surprenais à parler tout seul, marchant de long en large sur la grève ou m'installant en haut d'un rocher ou sur la branche la plus élevée d'un arbre très haut ressemblant à un séquoia. Je marmonnais dans ma barbe des phrases répétitives avec une voix nasale et précipitée. Le plaisir que je tirais de cet exercice me décida à composer une série de poèmes que je pouvais déclamer dans des endroits prévus à cet effet, voire lieux de culte et cérémonie, en frappant à intervalles réguliers deux petites pierres l'une contre l'autre, voire traité de composition in l'œuvre de Solo. Au début, je récitais ces poèmes avec un débit lent et à voix basse, mais très vite, je hurlais les phrases le plus fort possible, et ensuite, le silence de la forêt me semblait plus grand encore, voire ressemblant au silence, mais plus profond encore, m'obligeant à recommencer en chuchotant et en ajoutant par plaisir de petits grognements saccadés qui s'intercalaient de façon régulière au groupe de mots. Bonjour Solo, bon matin, beau temps, magnifique, beau temps, superbe. Les idées du jour, prêts ? Inutile des larmes, des cris, des soupirs, se dit d'une douleur qui fait pleurer, crier, gémir, etc. Le récit de leur malheur, ils s'arrachaient des larmes, on dit de mon enfant m'arrache le cœur, de ce qui attache, captive, asservi, de détourner, d'éloigner avec effort, on dit s'arracher au plaisir, à l'étude, à ses passions, à sa tristesse, à ses regrets. Déçu, voulez-vous dire déçu, Solo, d'une affaire manquée, d'une chose perdue, sans ressources, plus rien, égal, adieu, un éternel adieu, j'ai reçu ces derniers adieux, je fais mes adieux, qui assourdit un bruit assourdissant, le ramage des oiseaux? Non. C'est inexact, c'est faux, inventé. Petit 1, je ne suis pas de votre côté. Petit 2, ce n'est pas mon affaire. Petit 3, cette île m'appartient. Petit 4, tout cela est à moi. Petit 5, c'est à moi, c'est mon île, c'est à moi. C'est mon île, stop. Oh, Solo, monsieur Solo, vite, d'une voix, pour rattraper, pour arranger, ne le prenez pas en mauvaise part. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Solo. Bonjour, baise-main, et vous? Mon nom est René. Sombre rendre, sombre les nuages, assombrissent le ciel s'est assombri tout à coup, assombri. Bonne nuit, à bientôt, bonsoir. Monsieur Solo, partie 1, chapitres 3 et 4 d'Olivier Cadio, enregistré le 29 mai 1990 au Centre international de poésie de Marseille.